إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on va parler maintenant, on continue dans l'explication de اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre At-Ta'liq Al-Qawim ala Kitab Iqtida Al-Sirat Al-Mustaqim. Et on est arrivé à la page 507 du volume 2, le cours 68. Et la partie, c'est la partie 8 hein, du volume 2. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « Wa fi sahihayni aydan anhu, qal, ما صليت وراء إمام قط » أخف صلاة ولا أتم صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc il fait allusion à la parole de Anas ibn Malik qui avait mentionné cette réalité que la prière du prophète صلى الله عليه وسلم elle était légère mais elle était parfaite en même temps, complète. Donc il dit, je n'ai pas prié derrière un imam, je n'ai jamais prié derrière aucun imam qui avait une prière plus légère et plus complète que celle de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, « Wazad al-Bukhariyu, wa in kana la yasma'u buka as-sabi » وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه وأمه وذكره أنس بن مالك من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ويخفف الركوع والسجود والاعتدال عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك ومنهم من كان يقرأ في الأخريين مع الفاتحة سورة وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah il a ajouté après avoir mentionné donc le hadith de Anas ibn Malik, il dit, il mentionne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait le pleur de l'enfant, un bébé, eh bien, il allégeait sa prière pour, par crainte de déranger sa mère, hein, par crainte que sa mère soit dérangée par les pleurs du bébé. Et Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il a mentionné par rapport au tarfif, le fait qu'il allégeait la prière? C'est par rapport à ce que certains d'entre les mères ou les responsables faisaient comme prolongement de la prière parfois lorsqu'ils établissaient la salat, certains ils prolongeaient le qiyam, hein, la récitation dans la prière, d'une manière qui dépassait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans la plupart des moments. Donc ils priaient une prière avec un qiyam plus prolongé que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en général. Puis il allégeait le rukou' et le sujoud et les positions entre, c'est-à-dire lorsqu'il se relevait du rukou' et lorsqu'il s'assoit pendant le sujoud et ainsi de suite. Il dit na'am, donc il faisait ça, certains faisaient ça, donc il allégeait le rukou' et le sujoud et al-i'tidal plus que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également. Donc ça c'était la plupart des imams, ou bien beaucoup d'entre les imams qui faisaient ça. Ils prolongeaient le qiyam, puis ils allégeaient le rukou, le sujoud et l'intidal, mais d'une façon qui était peut-être trop, hein. Et donc les gens commençaient à prier de cette façon-là. Et parmi eux, certains, dans les deux dernières rak'at de la prière de Asr et de Maghrib, lorsqu'ils font quatre rak'at, eh bien, les deux dernières, ils récitaient une autre surah avec surat al-Fatiha. Et tout ça, c'est devenu des différentes positions de la part de certains fuqaha. Et également, il y avait les Khawarij qui, eux, exagéraient, hein, et faisaient de l'extrémisme dans la salat aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant que si tu priais avec eux, ben, tu mépriserais ta prière à côté de leur prière. Et leur jeûne à côté de ton jeûne, ou avec ton jeûne. C'est-à-dire qu'ils exagéraient beaucoup dans l'adoration. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, « قوله ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة » هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف صفتها مع إتمام أركانها وواجباتها حتى يجمع بين المصلحتين ويبتعد عن التشدد. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit que la parole de l'imam Anas ibn Malik, il dit je n'ai jamais vu, ou je n'ai jamais prié derrière un imam plutôt, qui avait une prière plus légère que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni plus parfaite, hein? Et il dit, ça c'est la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire qu'il allégeait sa description tout en la faisant de façon complète et parfaite dans ses piliers et dans ses obligations. Et il réunissait donc ainsi entre les deux bienfaits. Et il s'écartait de l'extrémisme et de l'exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est imam pour les gens, qu'il allège la prière, parce qu'il y a parmi eux le petit, hein, celui qui est plus jeune, al-kabir, celui qui est plus âgé, al-da'if, celui qui est faible, ou le marid, celui qui est malade, hein? Et dans une autre narration il y a wazawil haja, celui qui a un besoin ou quelque chose à faire, il est pressé. Donc si tu prolonges trop, tu mets de la difficulté sur ces gens-là. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et si l'un d'entre vous prie seul, alors qu'il prie comme il veut. C'est-à-dire, quand tu fais des nawafil, là, tu peux prolonger comme tu veux, sans problème. Hein? Tandis que quand tu pries avec les gens, tu fais plus légère ta prière. Wa qawluhu, in kana la yasma'u buka as-sabi fa yukhaffif, كذلك كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها ولكن إذا سمع ما يقتضي التخفيف خففها فهو يخففها أحيانا لأسباب طارئة ومن ذلك أنه إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخفف الصلاة رحمة بأمه لأنه إذا بكى شغل أمه عن صلاتها فمن رحمته بأمه يخفف الصلاة من أجل أن تتفرغ لرضيعها. Donc le cheikh il explique que la parole de l'imam al-Bukhari, il dit que يعني, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il allège sa prière à cause du pleur d'un bébé. Et ça c'est parfois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentrait dans la salat, il commence sa salat hein, et puis il a l'intention de la prolonger ou il veut la faire plus longue, mais il entend un bébé qui commence à pleurer, alors il la diminue, il l'allège hein. Pourquoi? Donc parce que des fois il y a des choses qui peuvent se produire ou se présenter durant la salat qui font que yani, tu dois utiliser ton jugement pour voir qu'est-ce qui est plus bénéfique à faire, et donc tu dois, dans ce cas-là, comme des exemples comme ça, un bébé qui pleure ou des choses de ce genre, eh bien tu commences à raccourcir ou allonger plutôt, alléger plutôt ta prière. Tu allèges ta prière, tu la fais moins longue pour que hein, ça ne soit pas trop difficile pour la mère, puis par miséricorde pour elle, à cause du pleur de son bébé. Parce que si le bébé pleure, il va déranger sa mère dans sa salat. Donc, par miséricorde pour elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait sa salat pour qu'elle puisse se libérer pour pouvoir allaiter son bébé. Après, il dit wa qawluhu wa ma dhakarahu Anas ibn Malik min at-takhfif fa huwa bin-nisbati ila ma kana yaf'aluhu ba'd al-umara wa ghayrihim fi qiyam as-salat. أي أن الناس أحدثوا في الصلاة من ذلك أن بعض الأمراء كانوا يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود، وهذا خلاف السنة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة، فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. Donc, le cheikh explique que quand il dit après que ce que Anas ibn Malik a dit par rapport à l'allègement de la salat, il fait allusion à ce que certains dirigeants faisaient et d'autres également que les dirigeants. Lorsqu'ils faisaient le qiyam dans la salat, quand ils récitent le Coran dans la prière, ils le faisaient long. Et il raccourcissait le recours et le sujoud et ainsi de suite. Donc, le cheikh explique que les gens avaient inventé dans la salat des choses, hein, et donc ça devenait difficile pour les gens. Et parmi les exemples de ça, c'est que certains dirigeants, ils prolongeaient la salat, et en particulier le qiyam, ils le faisaient plus long. C'est-à-dire, ils récitaient une longue sourate, hein, ils faisaient ça très très long, et dans le recours et le sujoud, ils faisaient très rapidement. Il allégeait le recours et le sujoud. Et le cheikh dit ça c'est contraire à la sunna, parce que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait une prière équilibrée. C'est-à-dire que s'il faisait un qiyam qui était long, eh bien il faisait également le recours et le sujoud long. Tandis que lorsqu'il allégeait le qiyam, il faisait court, eh bien il faisait également le recours et le sujoud court. Hein, aussi. Et le julus entre les deux prières, le fait de s'asseoir entre les deux prières. Entre les deux prosternations plutôt. Donc tout ça il faisait hein, pour dire que s'il le faisait long le qiyam, il faisait ça long aussi, et s'il faisait court, il faisait court. Tandis que ceux-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils faisaient par la suite? Au lieu de faire ça, ils faisaient un qiyam très long, puis recours sujoud hein, très court. Ça c'est contraire à la sunna. Il dit ومنهم من يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة سورة وهذا تطويل. Il y en a qui, après les deux premières rak'at, ils se relèvent pour faire la troisième et la quatrième. Puis, au lieu de juste lire la Fatiha, eh bien, ils lisent la Fatiha et une autre sourate avec. Bon, c'est pas interdit, mais c'est de prolonger quand même la salat. Et si tu le fais, des fois, ça peut être trop long pour les gens. Donc, il faut voir. Hein? Et le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est obligatoire? Il dit, fal wajib ala l'imam an yaqra al-ahadith allati fiha sifatu salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalliha kama waradat fiha. كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يعني أن الذي عصروه أن الذين عصروه وشاهدوا صلاته يصلون كما رأوه والذين لم يروه يقتدون بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم. Donc le cheikh il dit parmi eux il y en a qui récitent, donc comme j'ai dit, deux rak'at, dans les deux dernières rak'at ils récitent la Fatiha, après la Fatiha ils récitent une autre sourah. Il dit qu'est-ce qui est obligatoire, c'est que l'imam il fasse sa prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié, comme c'est mentionné dans les hadiths, et dans le hadith en particulier, priez comme vous m'avez vu prier, sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est-à-dire que ceux qui étaient vivants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, et donc ils savent comment la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, et donc ils priaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que ceux qui n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent se baser sur l'exemple de la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam telle qu'elle est mentionnée dans les hadiths authentiques au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَأَمَّا أَنْ يَخْتَرِعَ الْإِنْسَانِ مَعَ يعني, juste par rapport à ça, il y a le livre très, très célèbre de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani qui s'appelle justement Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dedans il y a tous les exemples de qu'est-ce que les hadiths ont mentionné sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est un livre très très bénéfique et très important pour toute personne qui veut connaître la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que sa prière soit comme l'exemple décrit de la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite le cheikh, wa amma an yakhtari' al-insan min 'indi nafsihi ويجتهد في هذا ها ويجتهد فهذا لا يجوز كأحوال بعض أئمة المساجد لا سيما في وقتنا هذا حيث كثر التعالم وصار من الأئمة من هم حدثاء الأسنان وصاروا يغيرون في الصلوات حسب رغباتهم ويشقون على المأمومين ويتعمقون في القراءة والترتيل والتنميط وفي الغنة والإدغام وتقطيع الآيات وتكريرها أو استعمال مكبرات الصوت الذي أو استعمال مكبرات الصوت ذات الصدى العالي حتى إنك لا تسمع ما يقرأ القارئ من اختلاط الأصوات. فالواجب على الأئمة أئمة المساجد هداهم الله أن يتقوا الله ويؤدوا الصلاة على الصفة التي صلاها أو صلاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أمانة في ذمتهم والذين خلفهم رعية لهم. نعم. Donc le cheikh il dit, Et en particulier, il dit, qu'est-ce qu'il y a des gens qui, à notre époque, ils ont inventé, ils ont inventé des choses dans la prière. Et donc, c'est pas correct. Quelqu'un ne doit pas inventer de lui-même, faire des ijtihad pour inventer des choses dans la prière. Il dit, ça, c'est pas correct. Il dit, c'est ça qu'on trouve dans l'état de certains d'entre les imams des mosquées, et en particulier à notre époque, parce qu'il y a beaucoup de, qu'est-ce qu'on appelle, ta'alum. Ta'alum, c'est quoi? C'est quelqu'un, yani, qui pense qu'il est un savant, ou qui pense qu'il a du ilm, alors qu'il n'a pas d'ilm. Donc, ta'alum, de vouloir se faire prendre ou se faire passer pour un savant, alors qu'on n'est pas un savant. Et il dit que les imams, maintenant, la plupart sont des jeunes, hein. Hudatha ou l'asnan. Et donc, il dit, les gens maintenant, ils commencent à changer dans les différentes salawat, selon leurs désirs, et ils rendent la prière lourde et dure pour les gens. Et parfois, tu les vois, ils exagèrent dans la récitation, dans le tartil, dans le tanmit, comment ils prolongent la récitation, comment ils exagèrent dans l'embellissement de la voix, dans la récitation, dans la runna et dans l'idram. Hein, ils font... ça devient comme des chants, des choses comme ça. Et de même que la façon comment ils coupent les versets, comment ils répètent un verset plusieurs fois parfois, comment ils utilisent aussi des micros avec de l'écho, mais un écho très fort, très élevé, qui fait que, yani, lorsque tu entends le récitateur qui récite le Coran, tu peux même pas comprendre ou entendre bien qu'est-ce qu'il récite parce que il y a trop d'écho et ça mélange la voix. Donc tu ne comprends pas qu'est-ce que l'imam récite. Donc ça, c'est pas correct. Tout ça, c'est des mauvais exemples. Et le cheikh, il dit l'obligation pour les imams des mosquées, que Allah les guide, c'est de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, d'établir la salat selon l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Parce que nous sommes, hein, des... comme c'est des responsables. Nous sommes des responsables de la prière de ceux qui sont derrière nous. Lorsqu'on est imam, on a un gage. Hein, et on a, c'est comme si on a un engagement. Et ceux qui sont derrière nous dans la prière, eh bien, ils sont nos fidèles, c'est comme notre troupeau. Hein, on est responsable d'eux comme un berger. Et il dit que si... il dit فإنهم إن أحسنوا فلهم ولمن صلى معهم وإن أساءوا فعليهم إثم إساءتهم وتغيير صفة الصلاة فإنهم إن أحسنوا فلهم ولمن صلى معهم وإن أساءوا فعليهم إثم إساءتهم. Donc s'ils prient bien, et s'ils sont des gens qui font bien la prière, donc c'est pour eux-mêmes et pour ceux qui ont prié derrière eux. Tandis que s'ils prient mal ou qu'ils font mal les choses, eh bien ce sera contre eux et ils auront le péché du mal qu'ils ont fait. Wa taghyir sifati salati sunnat al-khawarij. Sunnat al-khawarij alladhina قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم فقد كان عندهم تشدد في العبادة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتهم إلى صلاتهم فإنهم كانوا يطيلون الصلاة ولذلك صارت وجوههم كأثفان الإبل من طول السجود وتقرحت ركبهم من التشدد والتنطع في الصلاة وكانوا يسهرون الليل في العبادة لكنهم ينهجون منهج الخروج على الأئمة ويكفرون المسلمين. Donc le cheikh il dit que de changer les descriptions de la salat, ça fait partie de l'exemple des Khawarij. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet que vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière. Et Il dit qu'ils avaient de l'exagération dans leur adoration, comment ils priaient, comment ils adoraient Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière. Parce qu'ils faisaient des prolongements de la récitation. Ils récitaient longtemps. Ils priaient des longues prières. À un tel point que yani, leur visage était comme yani, les... C'est quoi Asfan. Tu sais ce que c'est Asfan. Là. طيب أسفان نعم وهو ملازمة الشيء قال الخليل سفنان البعير ما أصاب الأرض من أعضائه فغلظة كالركبتين وغيرهما. Oui, non. C'est ça. Donc leur visage et leurs genoux, ils devenaient comme les parties du chameau qui sont yani, en contact avec le sol lorsqu'ils se penchent ou lorsqu'ils s'assoient. C'est comme s'ils avaient de la corne yani, sur les genoux et les coudes et ainsi de suite, eh bien, ils avaient ça aussi sur le visage, les khawarij, et aussi sur leurs genoux, à force de faire beaucoup de recours et de sujoud et de prosternation. Naam. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est ça. Donc leurs membres étaient marqués par la prosternation tellement ils faisaient beaucoup de prières et comment ils étaient extrêmes dans l'adoration et dans la salate. Et ils restaient longtemps debout, réveillés dans la nuit pour faire de l'adoration, mais ils suivaient malheureusement la voie des khawarij, hein. Et ils se rebellaient contre les dirigeants et ils les déclaraient kuffar, hein, ils déclaraient les musulmans kuffar. فالحاصل أنهم رغم كثرة صلاتهم إلا أنهم ذموا عليها لأن فيها التشدد والغلو وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فديننا دين الوسط والاعتدال فنم أول الليل وقم آخره وصلي ما تيسر لك فلا تنم الليل كله ولا تقم الليل كله وإنما تنام وتقوم كما قال صلى الله عليه وسلم وأصلي وأرقد وهذا هو الاعتدال وهذه هي السنة. Donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que malgré la quantité nombreuse de leur salat, ils ont été blâmés. Pourquoi? Parce qu'ils exagéraient, ils avaient de l'extrémisme et de l'exagération. Et ça, c'est contraire à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notre religion est la religion de la modération et du juste milieu, de la balance, de l'équilibre. Donc, tu dors au début de la nuit et tu te lèves à la fin. Et tu pries ce que tu peux. Hein? Donc tu dors pas toute la nuit au complet et tu pries pas toute la nuit au complet, mais tu dors et tu pries. Et il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je prie et je dors, c'est-à-dire des fois je prie, des fois je dors, et ça c'est l'équilibre et la balance, hein? Et il dit, il y a donc, c'est cela qui est la sunna. Après il dit, lakin al-khawarij bitashaddudihim بتشددهم زادوا في صفة الصلاة وأتعبوا أنفسهم حتى أثر ذلك في أجسامهم وهذا غير مشروع في دين الله عز وجل فكانت النتيجة أن آل بهم هذا أن آل بهم هذا إلى أن خرجوا ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم لئلا يفسدوا على المسلمين دينهم ودولتهم. Donc le cheikh il dit, mais les Khawarij, à cause de leur exagération et leur extrémisme, ils ont exagéré dans la description de la salat. Et ils se sont fatigués eux-mêmes au point que cela a eu un effet sur leur corps. Et cela n'est pas légiféré dans la religion d'Allah. Donc ça a été le résultat qu'à la fin, ils sont sortis de la religion à cause de ça. Et ils ont quitté la religion comme la flèche quitte ou passe à travers sa proie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même incité par la suite à les combattre pour pas que les Khawarij puissent faire du désordre et corrompre la religion et les pays des musulmans. Allah al-musta'an. Il dit walihada lamma salla. Donc ça c'est on a fini donc le commentaire de Cheikh Al-Fawzan. Maintenant, on revient avec les paroles de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit walihada lamma salla Ali رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة وكان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود وقد جاء هذا مفسرا عن أنس ابن مالك نفسه فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف ابن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس ابن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال يا جارية هل أمي لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عمر بن ابن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود وهذا صحيح فإن العطاف ابن خالد المخزومي قال وهذا حديث صحيح فإن العطاف ابن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين وغيره هو ثقة وقال أحمد ابن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث روي عنه نحو 100 حديث وقال ابن عدي يروي قريبا من 100 حديث ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. Donc le cheikh il explique que la salat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam elle était modérée, équilibrée. Il allégeait sa prière. Il allégeait sa prière en allégeant le qiyam. Donc quand il est debout, il récite le Coran, il allégeait cette partie, de même que lorsqu'il était assis. Et il dit qu'il prolongeait le recours et le sujoud. Et ça a été expliqué en détail par Anas ibn Malik lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a dit que lorsqu'il a prié, c'est pour ça que lorsque Ali radiallahu anhu a fait la prière ou l'a dirigé la prière en Irak, dans la ville de Basra, Imran a dit sa prière m'a rappelé la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire que il a prié comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait un qiyam qui est allégé, puis en même temps il prolongeait le rukou' et le sujoud. Ensuite il rapporte donc le hadith selon Anas qui est rapporté par An-Nasa'i dans son Sunan, et selon Qutayba, selon Al-Attaf ibn Khalid, selon Zayd ibn Aslam, il dit: je suis rentré voir Anas ibn Malik et je lui ai dit: est-ce que vous avez prié? Alors on a dit oui. Alors il a dit: Ô jeune fille, c'est son esclave, amène de l'eau pour qu'on puisse faire le wudu. Une petite fille qui ramène l'eau pour faire le wudu. Et il a dit: je n'ai jamais prié derrière un imam qui a une prière qui ressemble plus à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que votre imam que voici. Et Zayd a dit, et Omar ibn Abdel Aziz, il complétait son recours et son sujoud, et il allégeait son qiyam et son qu'oud, c'est-à-dire son recours c'est l'inclinaison et le sujoud c'est la prosternation. Donc ça il le prolongeait, il le faisait parfaitement, complètement. Puis le qiyam et le qu'oud, le qiyam c'est quand tu es debout et le qu'oud c'est quand tu es assis. Ça il le faisait plus léger. Il dit وَهَذَا صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ, c'est un hadith authentique. Il dit que Al-Attaf ibn Khalid al-Makhzoumi, yani, les ulama ont dit à son sujet qu'il est fiable. Il est fiable et son hadith est sahih. Sahih al-hadith. Il dit Naam, il était thiqa. Et Ahmad, Yahya ibn Ma'in a dit qu'il est thiqa. Et Ahmad ibn Hanbal a dit qu'il vient de Mecca. Son hadith est authentique. Et plusieurs ont rapporté ces hadiths. On dit qu'il rapporte une centaine de hadiths, à peu près 100 hadiths. Et Ibn Adi, il dit, il rapporte environ 100 hadiths. Et je n'ai pas vu aucun problème dans les hadiths qu'il a rapportés, parce que il a hadith anhu thiqa. C'est ça, il le considère comme quelqu'un de fiable. Et donc tout ça c'est pour dire, regardez, ce cheikh, cet imam Al-Attaf ibn Khalid, il connaissait seulement 100 hadiths. On peut dire, ah c'est pas beaucoup, il y en a des gens aujourd'hui, des jeunes, ils mémorisent 1000 hadiths plus. Lui il rapportait seulement 100 hadiths. C'est pour dire que c'est pas la quantité qui fait la grandeur de la science de la personne seulement, il y a beaucoup d'autres facteurs. Le cheikh il dit aussi وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ إِبْرَاهِيمِ إِبْنِ عُمَرْ إِبْنِ كَيْسَانِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ إِبْنِ مَانُوسِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسْ إِبْنْ مَالِكِ يَقُولُ ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفتى, يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. Donc il dit, j'ai entendu, parce qu'ici il rapporte un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et il est également rapporté par Abu Dawood aussi. Il mentionne la chaîne de transmission. Sami'tu Sa'id ibn Jubayr yaqul sami'tu Anas ibn Malik yaqul. Après il dit, donc Anas ibn Malik a dit, j'ai jamais prié derrière quelqu'un après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait une prière qui ressemblait plus à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ce jeune, en parlant de Omar ibn Abdul Aziz. Et il dit donc فحزرنا في ركوعه وسجوده. Il dit, on a réussi à compter ou à faire pendant son recou et pendant son sujoud 10 tasbihat. Donc quand on est dans le recou et dans le sujoud, on dit subhanallah wa bihamdi, on dit subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim. Donc ça c'est dans le recou. Et dans le sujoud, subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la. Ça c'est le 3. Le 3 c'est le minimum de la perfection, le minimum que tu peux faire de qu'est-ce qui est complet, parce que sinon le minimum c'est 1, mais le minimum, le parfait minimum c'est 3, puis tu peux en faire jusqu'à 10 ou plus même. Et le recours et le sujoud de Omar ibn Abdul Aziz, eux dans leur recours ils en faisaient 10. Subhana Rabbi al-Azim, il le disait 10 fois. Subhana Rabbi al-A'la, il le disait 10 fois. Donc ça veut dire qu'il prolongeait son recours et son sujoud. Le cheikh il dit, وَقَالَ يَحْيَ بْنُ مَعِينَ إِبْرَاهِيمُ إِبْنُ عُمَرْ إِبْنُ كَيْسَانَ يَمَنِيٌ ثِقَةٌ قَالَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ إِبْنُ عُمَرَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَلَاةً وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قال فيه أبو حاتم صالح الحديث ووهب ابن مانوس بن نون يقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق يقول بالباء المنقوطة بواحدة من أسفله من أسفل وهو شيخ كبير قديم وقد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه به ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قدحا. Donc le cheikh il rapporte le hadith qu'on a mentionné, puis après ça il parle de la chaîne de transmission et de certains des narrateurs qui sont mentionnés dedans, et il dit qu'il connaît aucun problème avec ces narrateurs là et il mentionne leur nom et ainsi de suite. Donc nous on va passer à l'explication de cheikh Al-Fawzan directement. Il dit qawluhu wa li hadha lamma salla Ali radiyallahu anhu bil Basra qala Imran لقد أذكرني. المقصود أن عليا رضي الله عنه صلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون مثل نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال للمسلمين عموما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلمين الاقتداء به فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. Donc le cheikh il dit que ici lorsque Ali radiyallahu anhu est venu à Al-Basra, il a prié avec les gens et Imran a dit sa prière m'a rappelé la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que Ali, radiyallahu anhu, il a prié une prière semblable à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que de même que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils priaient une prière qui était semblable à celle de... les compagnons ils priaient une prière semblable à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos a dit aux musulmans de façon générale, il y a certes pour vous, en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple pour vous. Donc le cheikh il dit, donc les sahaba prenaient comme modèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de prier. Et donc c'est obligatoire pour les musulmans de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il ordonne. et de s'abstenir et de s'écarter de ce qu'il a interdit et de ce qu'il a blâmé. Après, le cheikh il dit: وهذا علي رضي الله عنه من أكثر الناس تمسكا والتزاما بهديه صلى الله عليه وسلم ومع أنه كان في أرض بعيدة من المدينة أو عن المدينة في أرض الغلو أرض الخوارج ولكنه اقتدى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم بها ويكون بذلك قد أحيا سنة ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وهكذا ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن يحيوا السنن التي أميتت وأن ينشروها بين الناس من أجل أن يعرفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit ça c'est Ali radiallahu anhu qui faisait partie de ceux d'entre les compagnons qui s'accrochaient le plus à l'exemple et la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que il était à ce moment-là sur une terre éloignée de Médine et sur une terre où il y avait de l'exagération parce que c'était la terre des Khawarij. Mais radiallahu anhu, il s'est basé quand même sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mentionné pour eux, il leur a rappelé de l'exemple de la sunna par rapport à la salat. Et donc, en faisant ça, il a fait revivre une sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une bonne sunna, une bonne œuvre dans l'islam, il aura la bonne récompense de cette œuvre-là et également la récompense de celui qui la pratique après lui et qui fait cette sunna après lui aussi. Le cheikh il dit, et c'est ainsi également que les ulama et les étudiants en sciences islamiques doivent eux aussi faire revivre les sunan qui sont mortes et de les propager entre les hommes pour que les gens puissent les connaître. Il dit, wa qawluhu كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة أي كانت لا هي طويلة ولا قصيرة وكان من سنته تطويل الركوع والسجود وتخفيف القيام لأن الركوع والسجود هما أعظم أركان الصلاة وفيها الدعاء والتسبيح وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكان يطيل الركوع والسجود طولا نسبيا لا إطالة مشقة. Donc le cheikh il dit que la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam elle était équilibrée et donc elle n'était pas trop longue ni trop courte, et il dit que parmi les exemples de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna c'était de prolonger le rukou et le sujoud et de diminuer ou d'alléger le qiyam lorsque tu récites debout, lorsque tu es debout, parce que le rukou et le sujoud c'est les deux plus grandes positions parmi les piliers de la salat. Et c'est dans ces deux positions-là que tu fais des du'as et du tasbih. Et c'est le moment où tu es plus proche de ton Seigneur alors que tu es prosterné. Donc, tu dois prolonger ton recours et ton sujoud. Et cette prolongation ou le fait de le faire plus longtemps, ça c'est en fait relatif. C'est relatif. Et il dit ensuite, « Wa qawluhu » يا جارية هلمي لي وضوءا ما رأيت وراء إمام ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ici, lorsque le sahabi en question, il a demandé qu'on lui apporte de l'eau pour faire le wudu, et il a dit, je n'ai jamais prié derrière un imam dont la prière ressemblait plus à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que celui-là. Et donc le cheikh explique, il dit, لَقَدْ كَثُرَتْ الشَّهَادَتْ لِأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu anhu. L'exemple en général, quand on mentionne quelqu'un qui fait partie des sahaba, on dit radiyallahu anhu. Si c'est un tabi'i, on ne dit pas radiyallahu anhu, mais on dit rahimahullah. Certains ulama, ils disent, on peut quand même dire radiyallahu anhu, parce que c'est comme un dua qu'on fait pour demander à Allah d'être satisfait de la personne. La différence, c'est que les sahaba, Allah a déjà témoigné à leur sujet qu'il était satisfait d'eux, puisqu'il l'a dit dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Tandis que pour les autres, c'est une invocation, hein, si tu le dis. Mais c'est mieux de dire rahimahullah pour faire la distinction entre les tabi'in et les sahaba. Donc le cheikh, il dit, donc il dit, لقد تكاثرت الشهادات لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن صلاته تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث شهد له الصحابة بذلك رضي الله عنهم. فالواجب على المسلم أن يقتدي ب يعني أن يقتدي بالمجددين الذين يحيون السنن ويميتون البدع مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث كانت صلاته معتدلة متناسبة ولا لا يطيل بعضها ويخفف بعضها ولا يخفف كلها تخفيفا يخل وإنما كانت صلاته وسطا بين الأمرين. Donc le cheikh il explique que il y a eu beaucoup de témoignages en faveur de Amir al-Mu'minin Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah, du fait que sa salat elle ressemblait beaucoup à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc beaucoup de sahaba ont témoigné de ce fait, hein, radiyallahu anhum. Il dit que l'obligation pour le musulman, c'est de prendre comme exemple les réformateurs, les réformateurs de la religion, ceux qui revivifient et qui font revivre les sunan et qui font mourir les bid'ah, comme Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah, du fait que sa salat était équilibrée et modérée, il ne la faisait pas très longue dans certaines parties puis courte dans d'autres. Et il faisait de façon équilibrée tout au long, et il ne faisait pas non plus alléger toute la prière au complet d'un allègement qui va créer des fautes ou des défaillances dans la prière, mais il faisait comme il faut dans le juste milieu. Donc sa prière était entre les deux extrêmes. Non. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, inshallah. Il reste encore quelques minutes sur le cadran, mais je pense que c'est mieux que je m'arrête, parce que de un, je suis un peu fatigué, et de deux, ben, il y a beaucoup d'autres points à clarifier. Si on commence un autre chapitre ou un autre point, on n'aura même pas le temps de faire la moitié. Donc c'est mieux de s'arrêter ici, puis on continuera au prochain cours. Les heures commencent à se rapprocher des prières, donc on a de moins en moins de temps entre chaque prière, surtout entre le Asr et le Maghrib. Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, donc bientôt on va changer l'heure, et donc ce sera entre le Maghrib et l'Isha, et là il y aura beaucoup de temps, parce que en général, quand on change l'heure, le Maghrib il descend d'une heure. Et le Isha, bien, des fois il reste, donc on aura le temps de faire